Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Subordonné avec si Subordonné avec si لا أدري إن كان يحبني. Je ne sais pas s'il m'aime. Je ne sais pas s'il m'aime. لا أدري إن كان سيعود. Je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas s'il va revenir. لا أدري إن كان سيخبرني. Je ne sais pas s'il va m'appeler. Je ne sais pas s'il va m'appeler. إن كان حقا يحبني؟ Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? إن كان حقا سيعود؟ Et s'il revient? Et s'il revient? إن كان حقا سيخابرني؟ Et s'il m'appelle? Et s'il m'appelle? إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Je me demande s'il pense à moi. Je me demande s'il pense à moi. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Je me demande s'il en a une autre. Je me demande s'il en a une autre. إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ Je me demande s'il ment. Je me demande s'il ment. ما إذا كان يفكر في حقا؟ Et s'il pense à moi? Et s'il pense à moi? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Et s'il en a une autre? Et s'il en a une autre? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Et s'il dit la vérité? Et s'il dit la vérité? إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Je doute qu'il m'aime vraiment. Je doute qu'il m'aime vraiment. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Je doute qu'il m'écrive. Je doute qu'il m'écrive. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Je doute qu'il m'épouse. Je doute qu'il m'épouse. ما إذا كان حقا يريدني. Et s'il m'aime. Et s'il m'aime. ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ Et s'il m'écrit? Et s'il m'écrit? ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ Et s'il m'épouse? Et s'il m'épouse?